La foi en arabe, al-iman, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses prophètes, au jour dernier et au destin. Elle est composée de deux piliers, la croyance en ce qu'informe Allah et son messager avec certitude et sincérité, contrairement à celui qui dément, celui qui doute et l'hypocrite. La soumission à leurs commandements avec amour, vénération, humilité et intention. L'imam Al-Barbahari dit « Il faut croire que la foi est parole, acte et intention. Elle augmente et diminue. Elle augmente comme Allah le veut et diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste rien du tout. » Ibn Al-Qayyim dit « Il faut qu'il y ait la parole du cœur et la parole de la langue. La parole du cœur inclut de connaître le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et de le confesser et de connaître ce qu'il inclut comme infirmation et affirmation, ainsi que de connaître ce qui signifie réellement la divinité que l'on conteste à tout autre qu'Allah, que seul Allah mérite et qu'il est impossible d'affirmer à autre que lui, et d'accomplir ce qu'il signifie dans le cœur avec savoir, connaissance et certitude. La foi inclut donc de savoir ce que veut dire « il n'y a de vrai Dieu qu'Allah », ce que conteste ce qu'affirme ce témoignage, ce que veut dire le mot Dieu que l'on conteste pour tout autre qu'Allah. Celui qui ignore l'une de ces choses n'a pas de foi, car il ignore qui est Allah. Et Ibn Qayyim dit aussi, la foi est parole et acte. Or, la parole est tant parole du cœur que de la langue, et l'acte est tant acte du cœur que du corps. Et l'explication de cela est que celui qui connaît Allah de son cœur, mais n'avoue pas de sa langue, ce n'est pas un croyant. Comme Allah dit, du peuple de Pharaon. Et ils rejetèrent les signes, bien qu'en eux-mêmes, ils avaient certitude qu'ils venaient d'Allah. Et comme Allah dit au sujet des A'ad et Saleh, et A'ad et Thamoud, il vous est apparu clairement que par les vestiges de leurs habitations, Satan leur avait embelli leurs œuvres et les a détournés du chemin, bien qu'ils étaient capables de comprendre la vérité. Et Moussa dit à Pharaon, et tu sais très bien que le seul à avoir descendu ces signes est le Seigneur des cieux et de la terre. Cela avait tous réalisé la parole du cœur, qui est la connaissance et le savoir. Mais ce simple fait ne fit pas d'eux des croyants. C'est ainsi, celui qui avoue de sa langue, il n'est pas croyant pour ce simple fait tant qu'il ne concrétise pas l'acte du cœur comme l'amour et la haine, l'alliance et le désaveu. En aimant Allah et son messager, et en s'alliant aux alliés d'Allah, et en se séparant des ennemis d'Allah, et en se soumettant de son cœur à Allah uniquement, et en étant docile au suivi de son messager, et en s'engageant à obéir à sa loi intérieurement et extérieurement. Dès qu'il accomplit cela, cela ne suffira pourtant pas à compléter sa foi tant qu'il n'aura pas accompli les ordres qui lui ont été donnés. Et il dit, la foi réelle est composé de paroles et d'actes. Or, la parole se répartit en deux endroits. La parole du cœur, qui consiste en la conviction, et la parole de la langue, qui consiste à prononcer le témoignage de l'islam. Et de même, les actes se répartissent en deux endroits. L'acte du cœur, qui est l'intention et la concrétisation, et l'acte du corps. Lorsque ces quatre éléments disparaissent, la foi disparaît totalement. Et lorsque la croyance du cœur disparaît, alors les autres éléments ne servent absolument à rien, car c'est sur cette croyance que repose la conviction en le reste des composants de la foi ainsi que de leur utilité. Et lorsque l'acte du cœur disparaît, sans que ne disparaisse la conviction et la croyance, ceci est ce qui marqua la dispute entre les hérétiques Murji'a et les adeptes de la Sunna. En effet, les adeptes de la Sunna sont tous d'accord pour dire que la disparition de l'acte du cœur fait cesser totalement la foi, et que le fait de croire en la vérité ne sert à rien lorsque l'acte du cœur, qui est l'amour et la soumission, disparaît, tout comme la croyance ne servit en rien à Iblis, ni à Pharaon et son peuple, ni aux Juifs, ni aux idolâtres qui croyaient que le messager avait raison, qu'Allah le bénisse et le salue. Il l'admettait d'ailleurs, que ce soit en secret ou en public, et il disait, il n'est pas un menteur, mais nous ne le suivrons pas, et nous n'avons pas foi en lui. Et donc si la foi cesse lorsque cesse l'acte du cœur, il n'est alors pas étonnant que la foi cesse lorsque cessent les plus grands actes du corps, en particulier lorsque ces actes entraînent forcément l'absence d'amour et de soumission du cœur, dont l'absence est causée par l'absence de conviction ferme, comme nous l'avons déjà énoncé. En effet, la non-obéissance du cœur entraîne inévitablement la non-obéissance du corps. Car si le cœur obéit et se soumet, le corps obéit et se soumet alors aussi. Et la non-obéissance du cœur et son insoumission entraînent inévitablement l'incertitude dans la croyance. Car la croyance ferme entraîne inévitablement l'obéissance. Or, ceci est la foi réelle. La foi n'est pas le simple fait de croire, comme nous venons de le démontrer, mais la foi, c'est la croyance qui entraîne inévitablement l'obéissance et la docilité. Après ces explications, nous comprenons que la foi est donc parole et acte, et que ces derniers sont de deux sortes, parole du cœur et de la langue, acte du cœur et du corps. La parole du cœur, c'est la croyance et la clé de la croyance et la connaissance. Ça veut dire qu'il est impossible de croire en quelque chose dont on ignore l'existence ou la réalité. Ainsi, connaître Allah et son unicité sont la clé de la foi. Il ne peut en aucune circonstance exister la moindre foi dans un cœur qui ignore l'unicité d'Allah. Connaître Allah est un fondement de la foi, sans lequel la foi ne peut exister, contrairement au fait de connaître les lois prescrites par Allah. Il est possible d'avoir foi en Allah avant d'avoir été informé de ses lois, comme ce fut le cas du prophète avant qu'Allah ne lui fasse la révélation, ainsi que Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Amr ibn Abbas al-Sulami, Abu Dar et les autres monothéistes qui vivaient parmi les païens de Quraysh à la Mecque. Ils avaient foi en Allah et étaient musulmans malgré qu'aucune loi d'Allah ne leur était parvenue. L'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dit « À partir du moment où connaître Allah est foi, alors ignorer Allah est mécréance. Et la pratique des obligations religieuses est de la foi, alors que de les ignorer avant qu'elles ne soient révélées n'est pas de la mécréance. Vu que les compagnons du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, eurent foi en Allah dès le début qu'Allah leur envoya son messager, alors qu'ils ne connaissaient pas les obligations qui leur furent prescrites plus tard, et ignorer ces obligations ne fut pas une mécréance de leur part. Ensuite, Allah révéla les obligations. Alors, leur foi en ses obligations fut leur acceptation et leur mise en pratique constante. Et celui qui mécroit en ses obligations n'est autre que celui qui les rejette pour avoir démenti l'information d'Allah. Mais si l'information d'Allah n'est pas parvenue, celui qui l'ignore n'est pas mécréant pour son ignorance. Et une fois que l'information est transmise, mais que certains ne l'ont pas encore entendue parmi les musulmans, ils ne sont pas mécréants pour leur ignorance. Par contre, ignorer l'unicité d'Allah est de la mécréance, dans tous les cas, que ce soit avant l'information ou après. Al-Marwazi nota donc une différence entre ignorer Allah, c'est-à-dire son existence et son unicité, ignorer les obligations et interdictions prescrites par Allah tout en connaissant Allah. Nous pouvons mettre ceci en évidence en mentionnant les musulmans qui vivaient parmi les peuples de Quraysh avant que le prophète ne reçoive la révélation. Ils ignoraient l'obligation des 5 prières quotidiennes, du jeûne du ramadan, ainsi que les autres rites de l'islam, car Allah ne les avait pas encore enseignés à ce peuple. Et donc, il leur était impossible de les deviner. Mais ils étaient musulmans, car ils avaient foi en l'unicité d'Allah, et en la fausseté du culte d'un autre que lui, et en la mécréance des païens. Et avaient foi aux prophètes envoyés par Allah qui sont les transmetteurs de la volonté d'Allah et détestaient le culte d'un autre qu'Allah. Ainsi, cette foi en la base de l'islam leur était suffisante pour être des musulmans dans ce genre de situation. Il leur aurait été impossible d'avoir foi aux obligations et interdictions avant qu'Allah n'envoie le prophète pour les enseigner. Ibn Qayyim dit « La foi consiste à croire le messager dans ce qu'il informe et à lui obéir dans ce qu'il ordonne. » Or, ceci aussi ne peut exister qu'à condition que le message soit transmis. Par contre, s'ils avaient adoré les idoles, ou cru en la validité de leur culte, ou aimé ceux qui les adorent, ils n'auraient pas été musulmans et n'auraient pas eu de foi. Quant à ceux qui donnent des associés à Allah et ignorent qu'il est unique, sans qu'ils n'aient été avertis par un prophète, ceux-là sont les gens de la rupture. Ibn Qayyim en a parlé en ces termes. Le 14e groupe, ce sont les gens qui n'ont ni obéi, ni désobéi, qui n'ont ni mécréance, ni foi. Et ceux-ci sont de plusieurs sortes. Ceux qui n'ont absolument pas été atteints par l'appel et qui n'ont jamais entendu le moindre renseignement. Comme le fou, qui n'a pas de raison, ni de discernement. Le sourd, qui n'a jamais rien entendu. et les enfants des idolâtres, qui sont morts avant de pouvoir distinguer le vrai du faux. Ibn al-Qayyim définit cette catégorie comme étant les gens qui n'ont ni créance ni foi, ni obéissance, ni désobéissance. Ceci car la foi consiste à croire Allah et à accepter ses ordres, et à la mécréance consiste à rejeter cela. La foi comme la mécréance ne peuvent donc exister qu'après la transmission du message. Et de même, l'obéissance consiste à se conformer à un ordre volontairement, et la désobéissance consiste à contredire l'ordre. Or, tous deux dépendent de la transmission de l'ordre en soi. Si aucun ordre n'est transmis, alors il n'y a ni obéissance ni désobéissance. Mais lorsqu'un cœur a foi en Allah, il a alors l'intention de croire tout ce qui lui parviendra comme annonce, et d'accepter tout ce qui lui parviendra comme ordre. Alors que celui qui n'a pas de foi, soit il ne se préoccupe même pas de savoir s'il a oui ou non à obéir à Allah, ou pire encore, il est de nature rebelle contre Allah et refuse d'avance de se soumettre à lui. Ainsi, celui qui ignore que seul Allah mérite d'être adoré et qui n'a jamais été averti par le message d'un prophète, on ne dira ni qu'il a foi en l'unicité d'Allah, ni qu'il l'a rejeté. Celui qui ignore qu'Allah a interdit de boire du vin et qui n'a jamais été averti par le message du prophète, on ne dira ni qu'il a foi en l'interdiction du vin, ni qu'il l'a rejeté, etc. La foi n'est valide que si elle se compose de paroles et d'actes. Règle. La foi du cœur provoque automatiquement la pratique du corps, de tout homme capable physiquement de pratiquer. De ces règles, nous savons que lorsqu'un homme ne pratique rien du tout de son corps, alors qu'il connaît ses obligations et en est capable, il est impossible qu'il soit croyant dans son cœur. Et nous allons maintenant énoncer ce que les savants ont dit à ce sujet. Ibn Taymiyyah dit « La foi, bien qu'elle soit composée de la confession, ce n'est pourtant pas le simple fait de confesser la vérité, c'est aussi l'acceptation et la sérénité. Ceci car la confession est en rapport avec les renseignements uniquement, alors que les commandements, eux, ne sont pas concernés par la confession, vu qu'il s'agit de commandements. Et la parole d'Allah est composée de renseignements et de commandements. On répond aux renseignements par la confession, et on répond aux commandements par la docilité et la soumission qui sont l'acte du cœur. C'est l'assemblement de la soumission et la docilité au commandement. Et même si on ne pratique pas physiquement ce commandement, à partir du moment où les renseignements sont acceptés par confession et que les ordres sont acceptés par soumission, la base de la foi est alors établie dans le cœur, qui est la sérénité et l'acceptation. Donc avoir foi en les commandements d'Allah, ce n'est pas le simple fait d'admettre que ce commandement vient d'Allah, ni d'avouer que c'est la meilleure des religions, ni d'avouer qu'il est interdit de l'abandonner. Rien de tout ceci ne fait naître la foi dans le cœur tant que ce n'est pas accompagné de la soumission et à la docilité du cœur. Il faut avoir l'intention et l'envie d'obéir, même s'il arrive de ne pas accomplir ce vœu d'obéir par incapacité physique ou par faiblesse et la paresse, tant que la volonté d'obéir et l'amour des commandements sont ancrés dans le cœur. Voici les citations d'Ibn Taymiyyah qui confirment ce principe. Dans Majmu' Fatawa, la volonté totale réunie avec la capacité physique ne peuvent être séparées de l'action. Il est en effet impossible qu'un homme aime Allah et son messager et désire ce qu'Allah et son messager aiment d'une volonté persuadée en étant capable de l'accomplir puis ne le fait pas. Lorsque l'homme ne déclare pas la foi alors qu'il en est capable, cela prouve qu'il n'y a pas dans son cœur cette foi obligatoire qu'Allah a exigée de lui. Il dit encore, et le Coran expose que la foi du cœur est relativement inséparable de la pratique du corps, comme dans le verset où Allah dit, et ils disent, nous croyons à Allah et au messager, et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants, jusqu'à ce qu'Allah dise, la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est, nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Allah a donc nié la foi de quiconque renonce à l'obéissance envers le messager et annonça que lorsque les croyants sont incités au recours à Allah et son messager pour trancher de leur litige, ils écoutent et obéissent. Et il exposa que ceci est l'effet provoqué par la foi. Et il dit encore, quiconque admet que le messager dit la vérité mais le déteste, fait rupture avec lui de son cœur et de son corps. Il est catégoriquement et forcément mécréant. Et s'il, les Mourji'a, inclut les actes du cœur dans la foi, sans les actes extérieurs, alors il se trompe également, car il est impossible que la foi s'établisse dans le cœur sans mouvement du corps. Ibn Taymiyyah dit encore dans Majmu' al-Fatawa, lorsque la pratique des actes obligatoires extérieurs diminue, c'est à cause d'une diminution de foi dans le cœur. En effet, on ne peut imaginer que la foi obligatoire du cœur soit parfaite alors que les actes obligatoires extérieurs sont absents. Au contraire, lorsque l'un est parfait, cela cause la perfection de l'autre. De même, la diminution de l'un a pour effet la diminution de l'autre, vu que considérer une foi valable dans le cœur sans parole ni acte extérieur, c'est comme considérer une cause valable sans effet, ou une cause valable sans conséquence, et c'est impossible. Et il dit encore, et il est impossible qu'un homme ait foi affirmée dans son cœur, qu'Allah lui a imposé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, et qu'il vive son existence sans se prosterner du tout, ni jeûner un ramadan, ni donner une seule zakat, ni faire un seul pèlerinage. Ceci est impossible et ne provient qu'avec l'hypocrisie du cœur et la perfidie, zanadara, et non pas avec la foi valable. C'est pourquoi Allah subhanahu a décrit ceux qui refusent de se prosterner parmi les mécréants. Le jour où un tibia sera découvert et qu'on les invitera à se prosterner, mais ils ne le pourront pas. Il est normalement inimaginable qu'un homme ait foi dans son cœur, qu'Allah exige de lui d'accomplir la prière, d'admettre cela et d'adopter la foi du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, ainsi que ses enseignements, puis qu'ensuite le détenteur d'autorité lui ordonne de prier et qu'il refuse d'obéir jusqu'à ce qu'il soit exécuté, tout en ayant en même temps la foi dans le cœur. Une telle personne ne peut être que mécréante. Et s'il dit « j'admets qu'elle est obligatoire, sauf que je ne la fais pas », cette prétention aussi dite n'est autre qu'un mensonge de sa part. Tout comme lorsque quelqu'un prend un Coran et le jette dans les ordures, puis il prétend « je suis témoin que ce qui s'y trouve est la parole d'Allah » ou qu'il tue un prophète puis dit « je suis témoin que cet homme est le messager d'Allah » et les actes comme ça qui invalident la foi du cœur. Lorsqu'un homme dit « j'ai la foi dans mon cœur », dans ce genre de situation, c'est un menteur de par ce qu'il a exprimé comme propos. Ce sujet, il convient d'y réfléchir. Celui qui connaît ce lien qu'il existe entre le cœur et le corps, alors toutes les ambiguïtés à ce sujet cesseront. Et il saura alors que les juristes qui furent d'avis que celui qui admet l'obligation de la prière et refuse de la pratiquer ne doit pas être condamné à mort, ou alors qu'il doit l'être, mais en tant que musulman, et non en tant qu'apostat. Ces juristes-là sont imprégnés des mêmes ambiguïtés que les Murji'a et les Jahmiya, et des mêmes ambiguïtés que ceux qui disent que la volonté ferme accompagnée de la capacité totale ne cause aucun acte. C'est pour ça que les juristes qui refusent de le condamner à mort ont basé leur avis sur la tendance concernant la question de la foi, qui est que les actes ne font pas partie de la foi. Et comme nous l'avons déjà dit, la pratique est inséparable de la foi du cœur. Or, une foi valide dans le cœur sans acte apparent sur le corps est une chose impossible. Même si on dit que les actes apparents sont un effet de la foi ou une partie de la foi, c'est la même chose. C'est comme nous l'avons expliqué précédemment. Celui qui abandonne la prière constamment jusqu'à ce qu'il meure sans se prosterner du tout pour Allah, celui-là ne peut en aucun cas être musulman qui admet qu'elle est obligatoire. Car avoir conviction de l'obligation et avoir conviction que celui qui l'abandonne mérite la peine de mort, ceci motivera parfaitement à l'accomplir. Et la motivation réunie à la capacité physique implique la présence de ce qu'on est capable de faire. S'il est capable de la faire, il ne l'a pas fait du tout et ne la fait pas du tout. On saura alors qu'il n'a aucune motivation. Et la conviction totale que celui qui abandonne la prière sera châtié pousse à la pratiquer. Cela dit, il se peut que parfois certaines choses lui fassent obstacle, ce qui l'amène à la retarder, à l'abandonner et à abandonner certaines obligations dans la prière, ou de l'abandonner de temps en temps. Mais pour ce qui est de celui qui l'abandonne constamment et ne prie pas du tout, et meurt ainsi, celui-là n'est pas musulman. Après ces citations, il y a encore d'autres passages qui confirment ce fondement. Nous apprenons qu'Ibn Taymiyyah considère impossible d'avoir une foi correcte dans le cœur sans qu'il n'y ait de suivi du corps par la pratique extérieure lorsqu'on a la capacité physique de le faire. Ceci car il considère la foi du cœur comme une cause provoquant la pratique et par conséquent considère que la foi du cœur et la pratique du corps sont inséparables. De même, celui qui ne pratique rien de son corps alors qu'il en est capable n'a forcément aucune foi dans le cœur. Et point à retenir. La foi est composée d'une racine qui est la connaissance et la soumission. La foi du cœur et la capacité physique provoque automatiquement la pratique du corps. La disparition totale de la pratique du corps prouve la disparition totale de la foi du cœur. Celui qui prétend que la foi du cœur peut exister sans la pratique du corps, même lorsqu'on en est capable de pratiquer, est un maugie.